Top Gun. J'aurais voulu être Tom Cruise pour me taper Nicole Kidman. J'aurais voulu être Nicole Kidman pour pouvoir me taper Tom Cruise et avoir un mari scientologue et qui joue pas dans Mafia Blues. J'aurais voulu être Sarkozy pour être l'ami de Tom Cruise. Comme ça j'aurais plus la loose. Je pourrais même dormir chez lui. J'aurais voulu être Travolta pour pouvoir engager Tom Cruise qui puisse venir jouer dans ma bouse. Battlefield Intergalactica. Tom Cruise. Nicole Kidman.